L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les tout premiers résultats préliminaires d'une expérience de recherche de neutrinos de Majorana viennent d'être rendus publics. Cette expérience est appelée CUORE, pour Cryogenic Underground Observatory for Rare Events. Comme son nom l'indique, elle est située dans un laboratoire souterrain et cherche des événements très rares avec des détecteurs refroidis à très très basse température. CUORE 0, la toute première phase de cette expérience, est située dans le labo du Grand Sasso en Italie, ce qui est assez logique pour une expérience majoritairement italienne. Mais CUORE est tout de même une vraie collaboration internationale, avec une forte implication américaine. CUORE cherche à mettre en évidence une désintégration radioactive très particulière, la désintégration double bêta sans neutrino. Cette désintégration produit normalement deux bêta, c'est-à-dire deux électrons, et deux antineutrinos. Elle a la particularité d'avoir une probabilité d'occurrence très faible, c'est-à-dire une période radioactive très très longue, dépassant le plus souvent 10 milliards de milliards d'années. Oui, vous avez bien entendu. Mais si le neutrino peut être sa propre antiparticule, ce qui a été prédit par le physicien italien génial Ettore Majorana dans les années 30, alors dans ce cas, les deux antineutrinos pourraient devenir en fait un neutrino et un antineutrino, qui pourraient alors s'annihiler à l'intérieur même du noyau radioactif, ne laissant plus que les électrons sortir du noyau d'atome. La découverte de l'existence d'un tel comportement de Majorana pour les neutrinos aurait un impact énorme. Ses implications seraient nombreuses, à commencer par des pistes de compréhension de l'asymétrie observée entre matière et antimatière. Ou pourquoi ne voit-on que de la matière dans l'univers alors qu'il devait exister les deux types en quantité égale lors du Big Bang ? Ces premiers résultats négatifs de CUORE 0 sont de deux ordres. Tout d'abord, ils permettent de fixer la contrainte la plus sensible à ce jour sur la masse que pourrait avoir un tel neutrino de Majorana. Ces résultats permettent ainsi de réduire grandement la zone de recherche pour ces particules. On sait maintenant un peu mieux où il faut les chercher. Le second enseignement de ces premiers résultats de CUORE 0 est tout simplement la démonstration de l'efficacité du système de détection imaginé par les physiciens. Les détecteurs de CUORE sont un ensemble de cristaux de dioxyde de tellure en forme de 52 cubes assemblés ensemble pour former une tour plongée dans un cryostat à haute performance qui produit un refroidissement descendant jusqu'à 10 millikelvin. Le tout étant blindé contre tout type de rayonnement parasite venant de la radioactivité naturelle ou des rayons cosmiques et leurs produits secondaires. Et ce n'est qu'une première étape, car d'ici à la fin de 2015, CUORE sera équipé de 19 tours de 52 cristaux, augmentant ainsi sa sensibilité de près d'un facteur 20. Il faut savoir que si la désintégration double bêta sans neutrino existe bien dans le tellure 130, sa probabilité est extrêmement faible, donnant lieu à des événements vraiment rares, de l'ordre d'une fois par an dans une masse composée de 10 puissance 24 noyaux de tellure. Les détecteurs de CUORE, au sein desquels ont lieu les désintégrations radioactives, qui sont mesurés très précisément, sont ce qu'on appelle des bolomètres. On y enregistre la moindre élévation de température provoquée par les désintégrations de tellure 130. L'élévation de température est directement liée à l'énergie libérée au cours de la désintégration radioactive, c'est-à-dire à l'énergie des électrons. On peut ainsi construire le spectre en énergie des événements de désintégration. La double désintégration bêta avec neutrino produit un large spectre continu, l'énergie étant partagée entre les électrons et les antineutrinos. Et les antineutrinos s'échappent des détecteurs sans déposer la moindre énergie. Mais si c'est une désintégration double bêta sans neutrinos qui a lieu, alors toute l'énergie de la désintégration se retrouve partagée seulement par les deux électrons et doit se déposer entièrement dans le détecteur, avec une valeur très bien définie, égale à 2528 keV. Le spectre en énergie doit alors, dans ce cas, montrer la présence d'un pic à cette énergie particulière. Et c'est précisément ce que recherchent les physiciens de Kouoré. Une telle expérience doit impérativement être installée à l'abri des moindres rayonnements parasites, pouvant produire un signal aux environs de l'énergie scrutée. C'est pour se protéger des muons du rayonnement cosmique que les physiciens italiens et américains ont choisi le laboratoire souterrain du Grand Sasso, qui est par ailleurs très prisé par de nombreuses expériences recherchant la meilleure sensibilité, notamment les expériences de recherche directe de matière noire. D'autres expériences se sont lancées depuis de nombreuses années dans cette quête du neutrino de Majorana. L'autre grande méthode, différente de la mesure de l'énergie des électrons émis, est une méthode radiochimique qui consiste à mesurer la présence en quantité infime des noyaux formés par les désintégrations. Il existe dans la nature 11 noyaux radioactifs différents susceptibles de produire une désintégration double bêta avec ou sans antineutrino. Parmi les 11 noyaux sujets à désintégration double bêta, ceux qui sont très intéressants à utiliser pour faire des détecteurs à part entière ou alors insérés dans des systèmes de détection sont, outre le tellure 130, le xénon 136, exploité par les expériences EXO et Camland par exemple. Ensuite, le germanium 76, qui est utilisé par les expériences Gerda et Majorana, l'a bien nommé, ainsi que le molybdène 100, le sélénium 82 ou le néodyme 150, qui ont été explorés par l'expérience NEMO. Avec ces nouveaux résultats, Kouoré se place comme l'expérience la plus sensible au monde dans la recherche de la désintégration double bêta sans neutrino et risque bien de tenir son rang un bon moment suite à sa mise en œuvre complète dans les mois qui viennent. Des informations sur Kouoré ont été publiées par Berkeley Laboratory sous le titre For Ultracold Neutrino Experiment, A Successful Demonstration. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez les yeux vers les labos souterrains et les pieds au ciel. sur le www.saspasselao.fr. N'oubliez pas toujours de jouer au quiz astro. Il n'y a rien à gagner, mais tout à apprendre. Et surtout en s'amusant. Et c'est le plus important. Allez, ciao, à très bientôt.